C'est le temps du commentaire de disque de la semaine. Commentaire de disque que vous pouvez lire sur les sites de Centran, www.centran.qc.ca. Il y a québecpop.com, Québec Pop, bien sûr. Et aussi ma page Facebook de Canrock, CIN Trédillon, ROCK. Cette semaine, une porte s'ouvre. Marie-Véronique Bourque. Belle découverte à mettre à mon actif. Une porte s'ouvre de Marie-Véronique Bourque, cette Françaisoise d'adoption, réalise un rêve, celui d'un premier disque jazz. Une porte s'ouvre comprend trois de ses compositions en plus de quelques bons extraits d'auteurs francophones. Tout au long de l'album, on est charmé par de belles reprises de Michel Legrand, Charles Aznavour, Claude Nougaro, entre autres, accompagné d'excellents musiciens, dont la pianiste franco-manitobaine, qu'on joue de temps en temps ici à Canrock, Michel Grégoire. Marie-Véronique Bourque nous séduit par la richesse de ses arrangements et la générosité palpable entre elle et ses partenaires, ses musiciens. On ressent ça à chaque note, à chaque accord. Bourque.red, Bourque.red, ça vous amène à son site internet pour mettre la main là-dessus sur un excellent album. Elle joue de la flûte traversière. Donc, on va l'écouter justement avec la pièce titre de l'album. Voici tout simplement Marie-Véronique Bourque de la Saskatchewan avec la pièce titre de son album. Ça s'appelle tout simplement « Une porte s'ouvre » à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. La qualité de la production nous dresse toutes les subtilités d'un univers jazz moderne qui caresse l'auditeur. On s'y laisse bercer par de très bonnes pièces comme la chanson de Maxence. Il y a aussi Pavane pour une infante défunte de Ravel qu'on va entendre dans quelques instants. Ou encore le claqueur de doigts. On y est aussi charmé par les compositions originales de Marie-Véronique, dont certaines sont en collaboration avec Michel Grégoire, la pianiste. La pièce titre, entre autres, en est une, dresse bien l'univers du disque. Ma préférée à moi, c'est celle qu'on va entendre en fin de commentaire, excusez-moi, très bien interprétée par la magnifique voix de Marie-Noëlle Claveau. C'est vraiment magnifique. Donc, je vous rappelle, allez faire un tour sur tout simplement Bourque.red, R-E-D, pour découvrir son univers et vous procurer cet album-là qui est vraiment intéressant. On va écouter, comme je vous disais, la pièce Pavane pour une infante défunte de Ravel. Voici la charmante Marie-Véronique Bourque. Thank you. plusieurs de ces albums venant de nulle part, qui arrêtent le temps, qui nous captivent, en perdent même la notion du temps. Une porte s'ouvre de Marie-Véronique Bourque en fait partie de ces albums-là. La générosité entre les musiciens, le mood proposé, mais surtout la qualité de l'enregistrement font de cet opus un produit exceptionnel. C'est un genre d'album que l'on écoute sur repeat, là, vraiment, on se laisse bercer et on décroche et on recharge les batteries. Dès les premiers accords d'une porte s'ouvre, on est séduit, donc je vous invite à vous laisser charmer par ce disque-là en visitant tout simplement bourque.red, bourque.red. Et vous allez découvrir son site internet et mettre la main sur ce beau disque-là. On va se quitter avec une chanson, hein, selon moi la plus belle pièce, « Excusez-moi », très bien interprétée par Marie-Noëlle Claveau. Il y a longtemps, il y a des lunes, une âme serait entrée dans ma vie. Elle et moi ne faisions qu'une, nos voix chantaient en harmonie. La vie a posé un grand silence entre nous. Il y a longtemps, il y a des lunes, j'ai passé des nuits blanches à chasser mes idées noires. Je rêve tout éveillé qu'elle revient m'ensorceler. Désolée, je dois partir. Pardonnez-moi, c'est assez. Je ne peux plus attendre. J'ai rendez-vous avec mon premier amour. Je rêve tout éveillé qu'elle revient. excusez-moi, désolé, je dois partir. Pardonnez-moi, c'est assez, je ne peux plus attendre. J'ai rendez-vous avec mon premier amour. Rendez-vous avec ma musique. Dans mes journées de bohème, la vie me pèse comme un carême. Tant je rêve de te voir grandir, je m'invente un fil de souvenirs. Suis-je devenue l'étrangère, un allumeur de réverbères, ou juste une reine en exil dans un étang fragile? Tu es ce qui reste de moi, tu es ma chair et mon climat. J'écris ton passé et le mien, ce qui me reste le lendemain. T'es ma chanson a cappella, t'es mon alpha, mon oméga. Je suis le soir, t'es le matin. Tu es l'espoir, je suis chagrin. Pierre, la lune revient de guerre, Manu les yeux pleins, en pleurant d'étrennes et d'étoiles, des miettes qu'on rejette aux vandales. Dans notre histoire, il y a trop de gris, des mots qui meurent d'interdit. Dans mes silences, des requiem pour meubler mes jours de poème. Mon dédale et mon désert, sans toi le monde est à l'envers. Mon âme se cherche à l'univers, t'es ma chanson a cappella, le plus beau de mes arias. Quand le soir me vide les mains, nos secrets dorment dans un écrin. On a débuté notre bloc de l'Est Québec-Ontario avec tout simplement une autre excellente chanson que j'adore. une chanson de Jeannie René, et ça s'appelle tout simplement « Requiem pour les jours de bohème », tiré de son premier album « Valise ». Très belle chanson, vraiment, là, très belle voix, très belle mélodie, magnifique, vraiment, là. J'adore. Madame Jeannie René, qui était aux Îles Canaries en ce moment, et oui, elle est du côté des Îles Canaries pour le WOMEX, espèce de salon où qu'on rencontre plusieurs diffuseurs internationaux. Donc, et puis on lui souhaite la meilleure des chances de ce côté-là. Profite du soleil, ma chère, parce qu'ici, là, c'est gris, c'est l'automne, mais aux Îles Canaries, ça doit être pas pire. Ça devrait être pas pire. On va se rendre à la pause de l'heure avec une autre chanson de Jeannie René, ben, du moins le texte. Elle a écrit le texte de cette chanson-là. La musique a été écrite par Julie Kim. Et c'est Julie Kim qu'on va entendre justement avec sa nouveauté de son album Portrait. Elle nous propose un nouvel extrait qui s'appelle « Écho dans ta voix ». Vraiment très intéressant. On se reparle dans quelques instants. Voici Julie Kim. Le silence de ton départ.